Je vais essayer de lancer la séquence là. Tu m'entends ? Ce matin, on m'a dit que quand tu balançais une séquence, une backing track, il n'y avait pas besoin de métronome, tout ça, et que ça marchait. Je voudrais voir si ça marche, si tu es d'accord. Et après, je vais aller écouter sur le launch pour voir ce que ça donne. Alors, j'essaye, hein.